Qu'est-ce que l'épistémologie? L'épistémologie est un terme barbare, deux fois grec, on pourrait dire, et avec deux termes grecs, on fait parfois un terme technique qui peut effrayer. C'est un terme d'ailleurs assez contradictoire parce qu'il semble redondant. C'est le discours, ou même pourrait-on dire, la science sur la science. L'épistémé, c'est le savoir scientifique plutôt empirique, la connaissance de quelque chose, et le logos, c'est sa condition en l'homme, la raison, qui est d'une certaine manière aussi peut se traduire par science. Ainsi, l'épistémologie, c'est la réflexion sur la science, c'est la science de la science, et ce terme n'est apparu qu'au début du XXe siècle, dans un moment de crise des savoirs, dans un moment où même les mathématiques s'interrogeaient sur la question de leur fondement, où la science commençait aussi à avoir des effets par la technique sur l'ensemble de la nature et de l'univers, sur l'ensemble aussi de l'expérience humaine. Ainsi, l'épistémologie est née dans un moment de doute sur la science et dans un moment de réflexion sur une étape de son histoire. Et elle est née comme un terme très technique qui fait encore un peu peur aujourd'hui, mais dont on peut penser qu'elle a trop disparu de nos horizons. Que, par exemple, l'expérience du défi climatique ou de la pandémie qui voit la science à l'œuvre avec ses propres contradictions, avec ses propres limites, devrait nous faire revenir vers l'épistémologie. Et de fait, l'épistémologie n'est pas quelque chose de si barbare que cela. C'est la compréhension par l'être humain de sa propre démarche scientifique. Car la science n'est pas seulement un fait intemporel. La science est aussi une conquête historique. Et l'épistémologie, notamment dans la tradition qu'elle a connue en France, l'épistémologie est d'abord et avant tout une démarche historique. C'est la connaissance des sciences quand elles ont déjà eu lieu, de la réfutation des erreurs antérieures et de la conquête d'un savoir par des démarches nouvelles qui nous amènent, par exemple, à comprendre dans la révolution de Copernic pourquoi c'est bien finalement la Terre qui tourne autour du Soleil, alors que nous croyons vivre et connaître l'inverse, ou comment le cœur est une pompe à faire circuler du sang dans l'organisme et non pas une autre fonction métaphorique, ou comment encore fonctionne notre cerveau. Et aucune découverte scientifique n'échappe à la recherche de ces conditions, à la recherche de l'imaginaire qu'elle a peut-être réfutée et des techniques qu'elle a peut-être engendrées. L'épistémologie n'est pas du tout redondante. L'épistémologie, c'est au contraire la condition même de l'accès de la science à l'ensemble des problèmes humains, à l'ensemble de la réflexion philosophique. Bien sûr, il y a des épistémologies critiques, des épistémologies qui situent la science dans une histoire générale, dans une histoire des pouvoirs. Michel Foucault, ainsi, a inventé l'idée d'épistémé. Pour lui, ça n'est plus une science. C'est la condition historique à un moment donné de tous les discours scientifiques qui fondent aussi les pratiques politiques. Et au fond, il y a une histoire générale qui est une condition de la science. Et l'épistémologie peut avoir cette dimension politique, historique, critique. Elle peut aussi, inversement, intégrer la politique et l'histoire à une réflexion sur la science. Ça n'est pas pour autant un champ de bataille. À chacun de découvrir la science qui lui fait accéder à la vérité d'un problème scientifique humain, qu'il s'agisse de la psychologie expérimentale, de la biologie aujourd'hui ou de la science du climat, mais toujours avec une réflexion critique, car sans l'épistémologie, la science pourrait bien être ou bien une erreur ou bien une tyrannie, mais jamais au principe d'une société humaine.